Ça va pas fort. Comment je dis, crème. Je le répète une fois de plus. Est-ce qu'on entend? Alors, il faudrait tâcher que ça fonctionne. Est-ce qu'on entend? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Oh, il suffit de parler dans le truc. Ça ne va pas fort, je vais vous dire pourquoi. Je m'occupe à éponger l'énorme littérature car encore que Joyce à ce terme répugnait, c'est tout de même bien ce qu'il a provoqué. Et ce qu'il a provoqué, le voulant. Il a provoqué un énorme blabla autour de son œuvre. Comment ça se fait? Jacques Aubert, qui est là au premier rang, m'envoie de temps en temps de Lyon, il a du mérite à le faire, l'indication de quelques auteurs supplémentaires. Il n'est pas là-dedans innocent. Mais qui est-ce qui est innocent? Il n'est pas innocent parce que il a commis aussi des trucs sur Joyce. À la pointe, comme ça, de ce qui est, dans l'occasion, mon travail. Je dois me demander pourquoi je fais ce travail, le travail d'épongeage en question. Certain que c'est parce que j'ai commencé. Mais j'essaie, comme on essaie, pour toute réflexion, j'essaie de me demander pourquoi j'ai commencé. La question qui vaut la peine d'être posée. Et celle-ci. À partir. C'est comme ça que je m'exprime. À partir de quand est-on fou? Et la question que je me pose et que je pose à Jacques Aubert, c'est celle-ci que je ne résoudrai pas aujourd'hui. Joyce était-il fou? Ne pas la résoudre aujourd'hui ne m'empêche pas de commencer à essayer de me repérer. Selon la formule qui est celle que je vous ai proposée, la distinction du vrai et du réel. Chez Freud, c'est patent. C'est même comme ça qu'il s'est orienté. Le vrai ça fait plaisir, et c'est bien ça qui le distingue du réel. Chez Freud, tout au moins, c'est que le réel, ça ne fait pas plaisir forcément. Il est clair que c'est là que je distors quelque chose de Freud. Je tente de remarquer, de faire remarquer que la jouissance c'est du réel. Ça m'entraîne à énormément de difficultés. D'abord, parce qu'il est clair que... la jouissance du réel comporte ce que Freud s'est aperçu. Comporte le masochisme. Et c'est évidemment pas de ce pas-là qu'il était parti. Le masochisme, qui est le majeur de la jouissance que donne le réel, il l'a découvert. Il ne l'avait pas tout de suite prévu. Il est certain que entrer dans cette voie entraîne, comme en témoigne ceci, c'est que j'ai commencé par écrits inspirés. C'est un fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est en ça que je n'ai pas à être trop étonné de me retrouver confronté à Joyce. C'est bien pour ça que j'ai osé poser cette question. La question que j'ai posée tout à l'heure, Joyce, était-il fou? Par quoi ces écrits lui ont-ils été inspirés? Joyce a laissé énormément de notes, de gribouillages, scribble des hommes. C'est comme ça que un nommé Connolly, que j'ai connu dans son temps, je ne sais pas si vite encore, a intitulé un manuscrit qu'il a sorti de Joyce. La question est en somme la suivante. Comment savoir, d'après ces notes, dont ce n'est pas un hasard, qu'il en ait laissé tellement? Parce qu'enfin, ces notes, c'était des brouillons, scribble d'Orban. C'est pas un hasard. Il a bien fallu qu'il le veuille et même qu'il encourage ce qu'on appelle les chercheurs à les chercher. Il écrivait énormément de lettres. Il y en a 3 volumes gros comme ça qui sont sortis. Parmi ces lettres, il y en a de quasi impubliables. Je dis quasi, parce que vous pensez bien que c'est... Finalement, c'est pas ça qui arrête qui que ce soit de les publier. Et un dernier volume, Selected Letters, sorti par l'impayable Richard Hellman, où il en publie un certain nombre qui avait été considéré dans le premier tome comme impubliable. L'ensemble de ce fatras est tel qu'on ne s'y retrouve pas. En tout cas, moi, j'avoue que je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pour un certain nombre de petits fils, bien sûr. Ces histoires avec Nora, je m'en fais une certaine idée d'après ma... D'après ma pratique, je veux dire d'après le... confidence que je reçois, puisque j'ai affaire aux gens que je dresse à ce que ça leur fasse plaisir de dire le vrai. Tout le monde dit que c'est... Si j'y arrive... Enfin, je dis tout le monde. Freud dit que si j'y arrive... C'est pas ce qu'il m'aime. Et même grâce à ce que j'ai essayé d'épingler du transfert, c'est-à-dire que il me suppose savoir. Ben, il est évident que je ne sais pas tout. Et en particulier que à lire Joyce, car c'est ça qu'il y a d'affreux, c'est que j'en suis réduit à le lire. Comment savoir à la lecture de Joyce ce qu'il se croyait. Parce que il est tout à fait certain que... que je ne l'ai pas analysé. Je le regrette. Enfin, il est clair qu'il y était peu disposé. La qualification de Tweedledum et Tweedledee pour désigner respectivement Freud et Jung était-ce parce qu'il lui venait naturellement sous la plume. Montre pas qu'il y était porté. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lisiez si vous arrivez à trouver ce machin qui est la traduction française du portrait de l'artiste. En tant que jeune homme, en tant qu'un jeune homme, qui est paru autrefois à La Sirène, enfin, je vous ai dit que vous pouvez avoir le texte anglais, même si vous ne l'avez pas avec ce que je croyais que vous obtiendriez, à savoir avec toute la critique et même les notes qui y sont adjointes. Si vous lisez donc plus aisément dans cette traduction française, ce qu'il jaspine, ce qu'il rapporte de son jaspinement avec un nommé Cranley, qui est son copain, vous y trouverez beaucoup de choses. C'est très frappant. Qu'il s'arrête, qu'il n'ose pas dire dans quoi il s'engage. Cranley le pousse, le harcèle, le tanne même, pour lui demander s'il va donner quelques conséquences au fait avoir perdu la foi. Il s'agit de la foi dans les enseignements de l'Église auxquels, je dis les enseignements, auxquels il a été formé. De ses enseignements, il est clair qu'il n'ose pas se dépêtrer. Parce que c'est tout simplement l'armature de ses pensées. Manifestement, il ne franchit pas le pas d'affirmer qu'il n'y croit plus. Devant quoi recule-t-il ? Devant la cascade de conséquences que comporterait le fait de rejeter tout cet énorme appareil qui reste quand même son support. Lisez ça, ça vaut le coup parce que Cranley l'interpelle là-dessus de franchir ce pas. Et que Joyce ne le franchit pas. La question est la suivante. Il écrit ça, ce qu'il écrit, c'est la conséquence de ce qu'il est. Mais jusqu'où ça va-t-il ? Jusqu'où allait ce dont il donne, en somme, des trucs ? Une moyenne ou naviguer. L'exil, le silence, la ruse. Je pose la question à Jacques Aubert. Dans ses écrits, n'y a-t-il pas quelque chose que j'appellerais le soupçon d'être ou de se faire lui-même qu'il appelle, dans sa langue, un rédimeur, un rédempteur. Est-ce qu'il va? Jusqu'à se substituer à ce dans quoi, manifestement, il a foi dans les bourdes pour dire les choses comme je les entends, dans les bourdes que lui raconte l'écuré concernant le fait que de rédempteur, il y en a eu un vrai. Est-ce que oui ou non, est-ce sage? Je vois pas pourquoi je demanderais pas à Jacques Aubert son sentiment de la chose. Vaut bien le mien, puisque nous en sommes là, réduits au sentiment. Nous en sommes réduits au sentiment parce qu'il ne nous l'a pas dit. Il a écrit. Et c'est bien là qu'est toute la différence. C'est que quand on écrit, on peut bien toucher au réel, mais pas au vrai. Alors, Jacques Aubert, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il s'est cru, oui ou non? C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est parce que il y a des traces. Dans? Mais oui. De ceci, c'est que. Enfin, c'est qu'il écrit, mais comme. Écoutez, si vous n'entendez rien, foutez le camp. Foutez le camp, je ne demande qu'une chose, c'est que cette salle se vide. Ça me donnera moins de mal. Dans Stephen le héros, enfin, je l'ai quand même un peu lu. Enfin. Et puis alors, dans le portrait de l'artiste, enfin. L'embêtant, c'est que c'est jamais clair. C'est jamais clair parce que le portrait de l'artiste, c'est pas le rédempteur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu comme façonneur, comme artiste. Oui, allez-y. Oui, si je me souviens bien des passages, il y a l'époque, des accords de politique. Oui. Également des passages dans la matière et dans la oui. Oui. Le maniérisme de l'Église. Et d'autre part, ça se rend correspond également à la fameuse période où il a été Exactement, oui. Si je pose la question, c'est qu'il m'a semblé valoir la peine de la poser. Comment mesurer jusqu'où il y croyait? Avec quelle physique opérer? C'est quand même là que j'espère que mes nœuds soient ce avec quoi j'opère. J'opère comme ça, faute d'avoir d'autres goûts. J'y suis pas venu tout de suite. Mais il me donne des choses. Et des choses qui me ficellent. C'est bien le cas de le dire. Comment appeler ça? Il y a une dynamique des nœuds. Ça sert à rien, mais ça sert. SE2RE. Enfin, ça peut serrer, sinon servir. Qu'est-ce que ça peut bien serrer? Quelque chose qu'on suppose. Être coincé par ses nœuds. Comment peut-on même si on pense que ses nœuds c'est tout ce qu'il y a de... tout ce qu'il y a de plus réel. Comment reste-t-il place pour quelque chose à serrer? C'est bien ce que je suppose le fait. Là, un point dont après tout, il n'est pas impensable d'y voir la notation. Cette histoire de corde, elle a l'avantage d'être aussi bête. Que toute la représentation qui a pourtant derrière elle rien de moins que la topologie. En d'autres termes, la topologie repose sur ceci. Il y a au moins, sans compter ce qu'il y a de plus, qu'il y a au moins ceci qui s'appelle le tort. Mes bons amis, Souris et Tomé, nous ont aperçu que sont arrivés à décomposer enfin, les rapports du nœud vorandéen avec le temps. Ils sont aperçus aussi. Ah. Le deux cercles pliés l'un sur l'autre, car c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez bien que se libère, c'est même tout le principe du nœud Vorobert. Ils sont aperçus. Dans un temps fait comme ça. C'est même pour ça que si on fait passer ici la droite infinie qui n'est pas exclue du problème des nœuds. Bien loin de là. Cette droite infinie qui est faite autrement que ce que nous pouvons appeler le faux trou. Infini fait de ce trou un vrai trou, c'est-à-dire quelque chose qui se présente mis à plat, car il reste toujours cette question de la mise à plat. En quoi est-elle convenable? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les nœuds nous la commandent. Nous la commandent comme un artifice de représentation. Qui n'est en fait que perspective, puisqu'il faut bien que nous suppléions à continuité supposée que nous voyons au niveau du moment où la droite infinie est censée sortir de quoi? Sortir du trou. Quelle est la fonction de ce trou? C'est bien ce que nous impose l'expérience la plus simple, celle d'un anneau. Mais un anneau n'est pas cette chose. Cette chose purement abstraite qui est la ligne d'un cercle. Et il faut que ce cercle nous donnions corps, c'est-à-dire consistance, que nous l'imaginions supporté par quelque chose de physique pour que tout ceci soit pensable. Et c'est là que nous retrouvons ceci, c'est que ne se pense que le corps. Bon, reprenons quand même ce à quoi aujourd'hui nous sommes attachés. La piste de Joyce. Je poserai la question. Celle que j'ai posée tout à l'heure. Les lettres d'amour à Nora. Qu'est-ce qu'elles indiquent? Il y a là un certain nombre de coordonnées. Qu'il faut marquer. Qu'est-ce que c'est? Ce rapport à Nora. Chose singulière. Je dirais que c'est un rapport sexuel. Encore que je dise qu'il n'y en ait pas. C'est un drôle de rapport sexuel. Il y a une chose à quoi on y pense, c'est entendu, mais on y pense rarement. On y pense rarement parce que c'est pas notre coutume. De vêtir notre main droite avec le gant qui va à notre main gauche en le retournant. La chose traîne dans Kant. Bon, ça... Qu'est-ce qu'il y cante? C'est fort pertinent d'en compte. C'est fort pertinent. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle, puisqu'il a pris cette comparaison du gant, je vois pas pourquoi je la prendrais pas aussi. Qu'une seule chose à laquelle il n'a pas songé, peut-être parce que son temps, les gants n'avaient pas de boutons. C'est que dans le gant retourné, le bouton est à l'intérieur. C'est un obstacle quand même à ce que la comparaison soit complètement satisfaisante. Mais... Vous avez quand même bien suivi. Ce que je viens de dire, c'est que les gants dont il s'agit ne sont pas complètement innocents. Le gant retourné, c'est Nora. C'est sa façon à lui de considérer qu'elle lui va comme un gant. Ça n'est pas au hasard que je procède par ce cheminement. C'est parce que depuis toujours, avec une femme, puisque c'est bien là le cas de le dire, pour Joyce, il n'y a qu'une femme. Elle est toujours sur le même modèle. Et il ne s'en gante qu'avec la plus vive des répugnances. Ce n'est que ces sensibles que par la plus grande des dépréciations qu'il fait Nora, une femme élue. Non seulement il faut qu'elle lui aille comme un gant, Mais il faut qu'elle... qu'elle le serre comme un gant. Elle ne sert absolument à rien. Et c'est même au point que... c'est tout à fait net dans leur relation, enfin. Quand ils sont à Trieste, chaque fois que se raboule un gosse, enfin, je suis bien forcé de parler comme ça, enfin... ça fait un drame. Ça fait un drame, c'était pas prévu dans le programme. Et il y a vraiment un malaise qui s'établit entre celui qu'on appelle comme ça, copain comme cochon, qu'on appelle Jim, et... parce que c'est comme ça qu'on écrit de lui, enfin... on écrit de lui comme ça parce que sa femme lui écrivait ce terme. Jim et Nora, enfin, ça va plus entre eux quand y a un rejeton. Ça fait toujours et dans chaque cas un drame. Je parlais tout à l'heure des boutons. Hein. On doit bien avoir comme ça une petite affaire, une petite chose à faire avec avec la façon dont on appelle quelque chose, enfin un organe. Oui. Le clitoris, pour l'appeler par son nom, est quelque chose que... comme un point noir dans cette affaire. Je dis point noir, métaphorique ou pas. Ça, d'ailleurs... quelques échos... dans... le comportement... qu'on ne note pas assez... de ce qu'on appelle une femme. C'est très curieux qu'une femme s'intéresse tant au point noir, justement. C'est la première chose qu'elle fait à son garçon. C'est de lui sortir les points noirs. Est-ce que c'est une métaphore de ce que son point noir à elle, elle voudrait pas que ça tienne tant de place. C'est toujours le bouton de tout à l'heure du gant tourné. Parce qu'il faut tout de même pas confondre. C'est évident que de temps en temps, il y a des femmes qui doivent procéder à l'épouillage comme les singes. Mais c'est quand même pas du tout la même chose. d'écraser une vermine ou d'extraire un point noir. Oui. Faut que nous continuions à faire le tour. Oui. L'imagination de d'être le rédempteur dans notre tradition au moins est le prototype de ce que dans la mesure il y a un rapport de fils à père et ceci depuis très longtemps que survit cette idée loufoque du rédempteur. Freud a quand même essayé de se dépêtrer de ça, de sadomasochisme. Seul point auquel il y a un rapport supposé entre le sadisme et le masochisme. Le sadisme est pour le père. Le masochisme est pour le fils, ça n'a entre eux aucun, strictement aucun rapport. Il faut vraiment croire que ça se passe comme ici. Savoir qu'il y a une droite infinie qui pénètre dans un tort. Je pense que je fais assez image comme ça. Il faut vraiment croire à l'actif et au passif pour imaginer que le sadomasochisme est quelque chose d'expliqué par une polarité. Freud a très bien vu quelque chose qui est beaucoup plus ancien que cette mythologie chrétienne. C'est la castration. C'est que le phallus, ça se transmet de père en fils. Même ça comporte quelque chose qui annule le phallus du père. Le fils a le droit de le porter. C'est essentiellement de cette façon, qui est une transmission manifestement symbolique, que Freud saurait faire. Que Freud se réfère dans cette idée de la castration. C'est bien ce qui m'amène... Ce qui m'amène à poser la question de... des rapports du symbolique et du réel. Ils sont fort ambigus, au moins dans Freud. C'est bien là que se soulève la question de la critique du vrai. Qu'est-ce que c'est que le vrai, sinon le vrai réel? Et comment distinguer, sinon à employer quelques termes métaphysiques, le Hecht de Heidegger, comment distinguer le vrai réel du faux? Car Hecht est quand même du côté du réel. C'est bien là que bute toute la métaphysique de Heidegger dans ce petit morceau sur Hecht. Il avoue, si je puis dire, son échec. Le réel se trouve dans les embrouilles du vrai. Et c'est bien ça qui m'a mené à l'idée de nœud qui procède de ceci, que le vrai s'auto-perfore du fait que son usage crée de toutes pièces le sens. Ceci de ce qu'il glisse, de ce qu'il est aspiré par l'image du trou corporel dont il est émis, à savoir la bouche en tant qu'elle suce. Il y a une dynamique du regard. Centrifuge. C'est-à-dire qui part de l'œil. De l'œil voyant, mais aussi bien du point aveugle. Elle part de l'instant de voir et là pour point d'appui. L'œil voit instantanément, en effet, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Par quoi il redouble ce qu'on appelle l'espace dans l'image. Il n'y a aucun espace réel. C'est une construction purement verbale qu'on a épelée en trois dimensions, selon les lois qu'on appelle ça de la géométrie, lesquelles sont celles du ballon ou de la boule imaginées kinesthétiquement, c'est-à-dire oral-analement. L'objet que j'ai appelé petit a, en effet, n'est qu'un seul et même objet. Je lui ai reversé le nom d'objet en raison de ceci, que l'objet est obstaculant à l'expansion de l'imaginaire concentrique, c'est-à-dire englobant. Concevable, c'est-à-dire saisissable avec la main, c'est la notion de Begriff. Saisissable à la manière d'une arme, et pour évoquer comme ça quelques Allemands qui n'étaient pas du tout idiots, cette arme, loin d'être un prolongement du bras, est dès l'abord une arme de jet. Une arme de jet dès l'origine. On n'a pas attendu les boulets pour lancer un boomerang. Ce qui de tout ce tout apparaît, c'est qu'en somme, tout ce qui subsiste du rapport sexuel c'est cette géométrie à laquelle nous avons fait allusion à propos du gant. C'est tout ce qui reste à l'espèce humaine de support pour le rapport. Et c'est bien en quoi, d'ailleurs, elle s'est dès l'abord engagée dans des affaires de soufflure dans lesquelles elle a fait plus ou moins rentrer le solide. Il n'en reste pas moins que nous devons faire là la différence. La différence entre la coupe de ce solide et ce solide lui-même. Et nous apercevoir que ce qu'il y a de plus consistant dans la soufflure, c'est-à-dire dans la sphère, dans le concentrique, c'est la corde. C'est la corde en tant qu'elle fait cercle, qu'elle tourne en rond, qu'elle est boucle, boucle unique d'abord, tête mise à plat. Qu'est-ce qui prouve, après tout, que la spirale n'est pas plus réelle que le rond? Rien n'indique que pour se rejoindre, elles doivent faire nœud, si ce n'est le faussement dit nœud borroméen, à savoir une chaîne qui engendre naturellement le nœud de trèfle qui provient. Qu'est-ce que ça soit ici, et là? C'est que renversé comme ça, ça ne fait pas nœud de trèfle, pour l'appeler par son nom. Et que la question que je poserai à la fin on a tout de suite, pour nous, c'est peut-être pas évident, on a tout de suite très bien remarqué, ça ne va pas de soi, on a tout de suite très bien remarqué que si ici vous changez quelque chose, passage en dessous, dans ce nœud de cette, disons, aile du nœud, vous avez tout de suite au résultat que le nœud est aboli. Il est aboli tout entier. Et ce que je soulève comme question, puisque ce dont il s'agit, c'est de savoir si oui ou non, Joyce était fou. Pourquoi, après tout, ne l'aurait-il pas été? Ceci, d'autant plus que ça n'est pas un privilège. Il est vrai que chez la plupart, le symbolique, l'imaginaire et le réel sont embrouillés au point de se continuer l'un dans l'autre. S'il n'y a pas d'opération les distingue dans une chaîne à proprement parler. La chaîne du nœud borroméen, du prétendu nœud borroméen, car le nœud borroméen n'est pas un nœud, c'est une chaîne. Pourquoi ? Saisir que chacune de ces boucles se continue pour chacun dans l'autre d'une façon strictement non distinguée et que du même coup c'est pâle. C'est pas un privilège que d'être fou. Ce que je propose, ici, c'est de considérer le cas de Joyce comme répondant à quelque chose qui serait une façon de jubler à ce dénouement. On peut remédier à faire quoi ? À y mettre. Cloverleaf ne s'en ira pas. S'en ira pas en floche. Est-ce que nous ne pouvons pas concevoir le cas de Joyce comme ceci? C'est à savoir que son désir d'être un artiste qui qui occuperait tout le monde. Le plus de monde possible, en tout cas. Est-ce que ce n'est pas exactement le compensatoire de ce fait que, disons que son père n'a jamais été pour lui un père, que non seulement il ne lui a rien appris, mais qu'il a négligé à peu près toute chose, sauf à s'en reposer sur les bons pères jésuites, l'église diplomatique, je veux dire, la trame dans laquelle s'est développé ceci qui n'a plus rien à faire avec la rédemption qui n'est plus qu'ici que bafouillage. Le terme diplomatique est emprunté au texte même de Joyce, spécialement de Stephen Hero, où Church diplomatique est nommément employé. Mais il est aussi certain que dans le portrait de l'artiste, le père parle de l'Église comme d'une très bonne institution, et même que le mot diplomatique y est également présenté, poussé en avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une, je dirais, compensation de cette démission paternelle, de cette Verwerfung de fait, dans le fait que Joyce se soit senti impérieusement appelé, c'est le mot qui résulte d'un tas de choses dans son propre texte, dans ce qu'il a écrit, et que ce soit là le ressort propre par quoi chez lui le nom propre, c'est quelque chose est étrange. J'avais dit que je parlerais du nom propre aujourd'hui. Je remplis sur le tard ma promesse. Le nom qui lui est propre, c'est cela qu'il valorise aux dépens du père, c'est à ce nom qu'il a voulu que soit rendu l'hommage que lui-même a refusé à quiconque. C'est en cela qu'on peut dire que le nom propre qui fait bien tout ce qu'il veut. Pour ce verre plus que le S1, le S1 du maître qui se dirige vers le S que j'ai appelé de l'indice petit 2, qui est ce autour de quoi se cumule ce qu'il en est du savoir. Il est très clair que depuis toujours, ça a été une invention qui s'est diffusée à mesure de l'histoire, qui est qu'il y ait deux noms qui lui soient propres à ce sujet. Que Joyce s'appelait également James, c'est quelque chose qui ne prend sa suite que dans l'usage du surnom. James Joyce, surnommé Dédalus. Le fait que nous puissions en mettre comme ça des dames n'aboutit qu'à une chose, c'est à faire rentrer le nom propre dans ce qu'il en est du nom commun. Oui. Eh bien, écoutez, puisque j'en suis arrivé là à 7 heures, vous devez en avoir votre claque et même votre jaclaque, puisqu'aussi bien, j'y ajouterai le ho, qui sera une expression de soulagement que j'éprouve à avoir parcouru aujourd'hui. Je réduis mon nom propre au nom le plus commun. Plus commun. Compliqué, hein? Oui, alors, écoutez, c'est les vacances le 17, mais je m'en fous, ça me sera une occasion de m'apercevoir que d'avoir le soulagement d'avoir une salle moins con. Je ne sais pas, moi, il n'y a rien. Ça n'en gère pas mal.